Après s'être déplacé en vain auprès d'Anastasie et de son mari, Eugène arrache au moins à Delphine qu'elle se rende au chevet de son père mourant. Eugène, heureux de pouvoir annoncer aux moribonds la présence d'une de ses filles, arriva presque joyeux rue Neuve-Sainte-Geneviève. Le chirurgien et le médecin sortaient. « Allons, Eugène, du courage, mon fils, » dit Bianchon à Rastignac quand ils furent seuls. « Il s'agit de lui mettre une chemise blanche et de changer son lit. Va dire à Sylvie de monter des draps et de venir nous aider. » Eugène descendit et trouva Madame Vauquet occupée à mettre le couvert avec Sylvie. « Mon cher monsieur Eugène, » dit-elle, « vous savez tout comme moi que le père Goriot n'a plus de sous. Donner des draps à un homme en train de tortiller de l'œil, c'est les perdre, d'autant qu'il faudra bien en sacrifier un pour le linceul. Ainsi, vous me devez déjà 144 francs. Mettez 40 francs de draps et quelques autres petites choses. La chandelle que Sylvie vous donnera, tout cela fait au moins 200 francs, qu'une pauvre veuve comme moi n'est pas en état de perdre. » Eugène remonta rapidement chez le père Goriot. « Bianchon, l'argent de la montre que je t'ai envoyé mettre en gage. Il est sur la table. Il en reste 360 et quelques francs. J'ai payé, sur ce qu'on m'a donné, tout ce que nous devions. La reconnaissance du monde-piété est sous l'argent. « Tenez, madame, » dit Rastignac, après avoir dégringolé l'escalier avec horreur, « soldez nos comptes. »